La Malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien et Manon à la technique. Informations, bibliographie et podcast sur le site internet de Radio Culture. Bonjour Sébastien, de retour dans La Malle de Sinbad et on va continuer sur notre grande lancée du café. Exactement Manon, on va continuer. On avait donc vu rapidement que l'étymologie probable donc de notre mot café, c'était le mot kahwa en arabe, cette boisson qui éloigne notamment le sommeil. On verra qu'elle a bien d'autres propriétés. Et on avait un petit peu vu ensuite comment le café avait très vraisemblablement quitté l'Éthiopie pour arriver dans la péninsule arabique. Si je lis notre ami El Jaziri, donc dans son ouvrage dédié au café, sa Umda, eh bien, il nous donne l'apparition du café. C'est une boisson donc qu'il caractérise comme noire. Donc on a vraiment ici sans doute déjà un produit torréfié. Il nous la donne au Yémen. Au Yémen, dans le courant, voire à la fin du XVe siècle. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب قالت يا ولدي لا تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب. Les premiers qui vont consommer du café, ce sont les soufis. Ce sont les soufis parce que le café permet, on a dit, de rester éveillé. Permet donc de remplir des actes de dévotion, de piété, tard dans la nuit, sans être effectivement pris ou rattrapé par le sommeil. Et c'est donc dans ce cadre-là que le café va avoir un premier succès. Mais évidemment, au contact d'autres visiteurs, notamment des mosquées, eh bien, le café va se répandre, puisque également les juristes, donc les fuqaha, les intellectuels, les étudiants, finalement toutes les élites qui fréquentent les mosquées, et pas seulement, vont se mettre également au café. Alors pourquoi vont-ils se mettre au café? C'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même aussi une défense médicale du produit, et je ne résiste pas à l'envie de vous lire un passage de Jaziri, parce que c'est assez quand même croustillant. Et je le cite donc dans le texte. De fait, cela entraîne une augmentation de la chaleur naturelle du corps et repousse le mal hors du corps. Cette propriété rare du café, mais suspectée, est en soi une preuve qui devrait rendre licite sa consommation. Et ce, d'autant plus que cela s'ajoute aux autres avantages admis par l'expérience. Comme le fait de guérir les hémorroïdes, les fistules, le rhume du cerveau, de dissoudre les tuméfactions, d'assécher la pituite ou le phlegme, on ne s'étendra pas sur tous ces avantages, comme le fait de soutenir le croyant dans les exercices du culte et, bien plus, dans la quête du savoir. Le café est également d'un secours certain pour l'accouplement, contrairement au haschich, qui lui fut comparé par certains des fanatiques opposés au café. L'utilité du café fut prouvée par l'expérience de la destruction des calculs dans la vessie, ne nécessitant plus de recourir aux soins médicaux. L'utilité du café pour le mariage est avérée pour la plupart des hommes, sauf pour ceux dont le tempérament est dominé par la sécheresse. Dans ce cas, le café entraîne chez eux l'assèchement du sperme et son affaiblissement. Il faut y prendre garde, car l'état du sperme a une influence sur la faculté de l'accouplement. Mais la plus grande utilité du café est la dissipation du sommeil, même si la veille à de nombreuses autres causes, comme le fait de manger peu, de se ménager durant le jour, de faire la méridienne et bien d'autres choses encore, comme cela fut dûment établi et consigné dans les livres des soufis. Voilà donc évidemment, avec autant de bienfaits, ce produit ne peut qu'attirer un grand nombre de consommateurs. Et on voit donc effectivement le café se répandre au Yémen. Il pourra être effectivement consommé donc au départ plutôt comme une infusion et plus tard plutôt effectivement fort, hein, ce fameux petit noir, hein, c'est la description est très claire, c'est un produit, un liquide d'un noir intense. Donc on voit effectivement que là on est bien au-delà de la simple infusion. Si on se reporte aux archives yéménites, eh bien, la culture même du café ne commencerait qu'au XVe siècle. Peut-être, il y en avait-il auparavant, hein, je vous renvoie à Al-Shazouli, qui était lui au XIIIe siècle au Yémen, mais pour la culture elle-même, c'est le XVe siècle. Il y a ensuite à voir que, dans un premier temps, c'est la décoction qui est mise en avant, et ça s'appelle effectivement le qishr. Donc c'est le fait d'utiliser l'écorce tout simplement de la cerise. Mais ce que l'on peut également dire, c'est que le café ne va pas se cantonner au Yémen. Et je vous propose qu'après une petite un petit moment musical, on revienne sur cette question. Ok, c'est bon, on peut enchaîner. Et le moment musical, c'est... Oh, bon, il n'y a pas besoin de le dire. Là. Non, c'est... non, non. Ça va, bien. Non. Ouais, ouais, c'est bien. C'est bien comme ça. Et du coup, là, on parle de la sociabilité... Enfin, de l'autre, des autres... L'autre argument amélioratif du café. Alors, il reste 5 minutes. Je fais juste le point sur ce que je veux dire pour te répondre. D'accord. Parce que sinon, on peut rajouter juste une petite phrase et puis pour dans la suite, parce que je pensais que tu allais en parler après ce texte-là. Mais c'est pas un souci. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire, tiens, c'est bon. Que c'était au 15e siècle. Et ça va quitter ensuite. Alors, toujours sur le café, on était actuellement au Yémen, mais ça commence à s'exporter un petit peu, en tout cas par du bouche à oreille. Exactement, exactement. Ça, c'était également ce que nous raconte notre ami El-Jaziri sur le fait que eh bien, des nouvelles vont commencer à circuler sur cette boisson qui est en train de s'imposer. قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب Alors, je ne résiste pas donc à l'envie de vous lire un passage qui nous montre un petit peu comment, à travers eh bien, des personnages qui vont être des personnages clés, notamment un moufti important, le moufti d'Aden, qui s'appelle Jamal ad-Din Dhubhani, qui vit donc vers le milieu du 15e siècle. Comment, justement, la rumeur du café va précéder son arrivée. Et je vous cite donc le texte. Quant à l'apparition du café, le cheikh Shehab ad-Din ben Abd al-Ghaffar raconte qu'au début de ce siècle, c'est le 10e siècle de l'Hégire, donc 16e siècle chrétien, des nouvelles qui parviennent en Égypte disent qu'il s'est répandu au Yémen l'usage d'une boisson appelée qahwa. D'une boisson appelée qahwa que prennent les cheikhs soufis et d'autres encore pour s'aider durant leur veillée de récollection. C'est le zikr, hein, c'est le fait effectivement que l'on récite eh bien, des litanies ou bien les noms divins, auxquels ils s'adonnent selon leurs célèbres règles. Il nous est parvenu ensuite que son apparition et sa propagation au Yémen furent l'œuvre du célèbre, par la science et l'autorité, le cheikh, l'imam, le savant, le mufti, Jamal ad-Din Abi Abdel Mohammed ben Saïd, connu sous le nom d'Azubhani, en rapport donc avec Zubhan, qui est une ville connue au Yémen. Nous avons su qu'il était investi, que Dieu l'ait en sa miséricorde, de la fonction de la correction, de la rectification et de la légitimation des fatwas. Les fatwas, ce sont des réponses à des questions de droit religieux. À Aden. C'est donc un mufti. Cette fonction soumettait les fatwas à celui qui l'exerce. Après leur lecture, celui-ci signe de sa main avec la mention « valide » ce qui lui semble être juste et raisonnable, portant ses remarques également sur ce qu'il faut corriger ou arranger. Il rapporte que la raison de son attachement au café est, d'après ce qu'il se raconte, qu'il s'occupait un jour d'une affaire qui l'amena à quitter Aden pour un pays non arabe. Il y résida un certain temps et vit que ses habitants utilisaient le café, mais ne sut pas lui-même ses propriétés. À son retour à Aden, il tomba malade et se rappela le café. Il en prit et le trouva utile à sa guérison. Il découvrit parmi les propriétés du café que celui-ci repousse le sommeil et la paresse, transmet au corps légèreté et vivacité. Lorsqu'il suivit la règle soufie, il trouva, avec d'autres soufis, dans la boisson du café, un secours pour pouvoir réaliser ce que l'on a évoqué plus haut, la pratique du culte. À Aden, les hommes, aussi bien les fuqaha, il s'agit tout simplement des jurisconsultes, hein, de ceux qui sont spécialistes du droit, que le commun du peuple, suivirent les soufis dans la consommation du café, pour trouver une aide qui, dans leur quête du savoir, qui, dans leur métier et leurs industries, il y demeure encore répandu. Donc on voit effectivement le café va entrer par la grande porte, et puisqu'il s'agit ici du mufti d'Aden, et que c'est grâce à ça aussi qu'il va connaître un certain succès à l'extérieur, puisque ce sont les cercles lettrés, les cercles de jurisconsultes correspondent entre eux, et que les nouvelles, évidemment, dans le monde arabe, circulent le long des voies caravanières, avec le système également de la poste. Et donc, on apprend assez vite, finalement, l'engouement que suscite le café. Le café, encore une fois, qui peut être donc soit ce fameux qahwa qishriya, donc où on a simplement la cosse qui est utilisée, ou bien du qahwa bunniya, où on va utiliser le grain qui est rôti et ensuite moulu. Et on est absolument convaincu aujourd'hui que les soufis ont joué un rôle tout à fait déterminant pour déjà connaître les propriétés de la boisson et ensuite pour en garantir le succès, puisque là encore, les confréries ont un fonctionnement en réseau qui va permettre justement aux produits de progresser le long des routes couvertes par ce réseau. Au point que le café va s'imposer face à l'autre produit qui était également utilisé dans ces circonstances-là, qui était le qat. Donc c'est ces feuilles qui se mâchonnent, hein, une espèce de boule qu'on forme dans sa bouche, enfin au niveau des bajoux si vous voulez, et qui va donc être régulièrement alimenté, filtré grâce à l'utilisation du thé que l'on boit régulièrement, et c'est ça qui permet de maintenir les gens éveillés. Le café va remplir finalement une fonction assez analogue. Et nous verrons la fois prochaine comment justement il va s'exporter, notamment jusqu'en Égypte. من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب من مات فداء للمحبوب بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجانك بصرت بصرت ونجمت كثيرا لكني لم أعرف أبدا أحزانا تشبه أحزانك مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع دموع مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب وتكون حياتك طول العمر طول العمر كتاب دموع مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار مقدورك أن تبقى برغم جميع حرائقي وبرغم جميع ثوابتي فبرغم جميع حرائقي وبرغم جميع ثوابتي وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار وبرغم الريح برغم الجو الماطر والإعصار. الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي. أحلى الأقدار، أحلى الأقدار يا ولدي. مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار، مقدورك أن تبقى مسكونا بين الماء وبين النار، مقدورك أن تبقى برغم جميع حرائقه وبرغم جميع ثوابته، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع ثوابته، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح، وبرغم الجو الماطر والإعصار، الحب سيبقى، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى. Si ce thème sur le café vous intéresse et si vous voulez découvrir l'histoire du café avec un petit peu plus de détails et les propriétés du produit, nous vous recommandons la lecture des ouvrages suivants. Seward Lee Allen a écrit The Devil's Cup, An History of the World According to Coffee. On a ensuite Jeff Hoffman avec The World Atlas of Coffee, ou encore Mireille Gaillet, Grand traité du café. La malle de Sinbad sur Radio Culture Dijon. Une émission préparée et présentée par Sébastien. Et Manon à la technique. Informations, bibliographies et podcasts sur le site internet de Radio Culture.